j'écris pour les petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les aînés. Pour toutes les mamies seules, les grands-pères décédés. Les gens que je me suis mis à dos comme sur la cover de mes CD. Les allées que j'ai longées, les amis que j'ai vengés. Les baffes de la vie que j'ai mangées. Les mauvais alcools mélangés, les tiroirs étrangers. Les photos de famille que j'ai rangées dedans. Faut du temps pour s'accepter, c'est comme le succès. Faut du temps pour y accéder. Si t'es patient, c'est que t'es vraiment rongé par la passion qui t'a infecté. Moi être seul, ça m'a affecté. Pourtant je l'ai voulu, pourtant je l'ai voulu, putain. Non je l'ai pas volé ce butin. Des fois je crois plus en rien, mais ma tante vit depuis 20 ans avec le cœur d'un autre. Tu l'attends toute ta vie, mais la chance est rare comme les pleurs d'un homme. Ces dernières années, c'était sympa. Mon frère, en vrai, j'aurais pas dit mieux. Dans mes rêves, je remplissais un Olympia. Dans la vraie vie, j'en ai rempli deux. Les cassettes, pas sûr de vouloir me caser. Des fois j'allume un grand feu mais je vois que des étincelles. Je préfère les lucioles, au moins leur lumière est sincère. J'suis bien là, j'sais pas si je vais repartir. Comme le moteur que j'allume avec les pincettes. Pensée noire et nuit blanche à la chaîne. Pourquoi ma vie je l'aime quand elle est pas saine. On m'a dit si tu veux devenir un grand, faut que tu fasses comme quand t'étais petit. J'aime pas les gens parfaits, j'suis pas trop pétale. J'préfère manteau et d'épines. Des frères ont fait la route, des frères ont disparu comme mes épis. Des frères ont fait naufrage, des frères ont échoué comme on s'était dit. Ouais c'était prédit, des fois la vie m'a fait crédit. Je l'ai jamais rendu comme un putain de mauvais dealer, comme un vendu. J'emmerde tout le monde comme un putain de bac tendu. J'enlève la capuche parce que je m'accepte enfin. Je parle à moi-même, à toi-même en vain. Comprends-tu les règles que t'as fait qu'enfreindre? Nique sa mère si tu comprends pas. Les forces sont en nous, je suis arraché. Les forêts auxquelles je suis attaché. Ça me détruit comme si je sors de ma trachée. L'image est mauvaise, mais la rivière m'a reflété la peau. Je crois que j'ai enfin tout mis dans un album.